Bonjour à tous, musique danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute! Toutes, nous sommes déjà le mardi, nous sommes déjà le dernier mardi de mois, voilà, ça passe très très vite tout simplement. Et bien voici donc l'émission tout simplement, toute l'après-midi, avec du côté des années 1980 dans l'après-midi. Voilà aussi, j'espère que vous avez passé tout simplement une très bonne matinée, puis ainsi que vous allez la continuer très bien l'après-midi, tout simplement, avec plusieurs chansons différentes pour vous faire plaisir. Pour ceux qui sont encore une semaine bien de vacances, et bien profitez-en tout simplement pour ces jours-là, tout simplement. Donc on va débuter l'émission avec tout simplement Diane Balawan et puis juste après Alain Bashoum. Génération Hit 80. Ça fait longtemps que t'es parti. Maintenant Des chansons d'amour, j'arrive plus à trouver les mots qu'il faudrait. Encore une fois, sois patiente avec moi. Oui, patiente avec moi. Je voudrais que tu sois encore patiente avec moi. Est-ce que demain tout va recommencer? Depuis que je n'ai pas eu d'histoire d'amour, je me souviens plus si c'est aussi beau qu'il paraît. Je n'ai pas l'habitude d'être avec toi, mais sois patiente avec moi. Oui, patiente avec moi. Je voudrais que tu sois encore patiente avec moi. Je me sens nu, ça peut sembler idiot, qu'en effet, je connais ça. Donne-moi tes mains, laisse-moi te regarder. Depuis que je n'écris plus chanson d'amour, je n'arrive plus à trouver les mots qu'il faudrait. Encore une fois, sois patiente avec moi. Oui, patiente avec moi. Je voudrais que tu sois patiente avec moi. Yeah. Sois patient avec moi. Sois patient. Patient. Sois patient avec moi. Arc-en-ciel. Voici donc Johnny Hallyday, et puis juste après lui, ce sera tout simplement eh bien, François Feldman. Qui traîne sur scène et on démonte les projecteurs quand sa vie n'est plus mise en scène. Ça lui fait peur. Ses nouveaux amis qu'il aime seront partis dans la semaine. Dans sa loge des photos et fleurs, une certaine image du bonheur. Il fait le vide dans sa tête. Il fait le vide dans son cœur. C'est un chanteur abandonné qui a vécu sans se retourner. Sûr que le blues est inventé pour lui cette nuit, parce qu'il a su

Ces amours infidèles s'écrivent sur logiciel du fond de la nuit. Remonte l'ennui et nos chagrins de monde dans les pages du grand monde. Maintenant we'll

Sur la bonne radio. Arc-en-ciel. arc-en-ciel. Bon après-midi avec Nicolas sur arc-en-ciel. Voici donc tout simplement Élégance et puis juste après Christophe Laurent. Elle prend mes nuits, tout mon sommeil. Je suis tombé amoureux d'elle. Je flippe un match, c'est un bon sucre au ramapo. Ça semble l'une du monde. Les décibels se font la belle. Y'a du renom dans les gamelles. Souvenir juillet, chanson d'été. C'est vrai que ce disque m'a bien branché. Coup de téléphone, bien me déranger. Soirée folle organisée. Toi mon vieux, faut décider. J'avais de risque, autant style de musique est toujours à la mode. Superstar, tu m'affoles. J'avais de risque, autant style de musique est toujours à la mode. Superstar. C'était la folie. les étoiles du ciel se mélangent aux lumières rouges. Un peu de sable brésilien sur les quais parisiens. C'est la folie des latins jusqu'au petit matin. Il n'a pas de terre à ses souliers, Floride ou Californie. Il ne sait toujours pas où il fera son nid. Nuit brésilienne en plein Paris, c'était la folie. Les étoiles du ciel se mélangent aux lumières oranges. Un peu de sable brésilien sur les quais parisiens. C'est la folie des latins jusqu'au petit matin. On va pour danser la samba. Et on ira à Rio pour manger des glaces. On fera le Brésil à Paris au fond d'une impasse. Nuit brésilienne en plein Paris, c'est de la folie. C'est la folie des latins jusqu'au petit matin.

ciel. En jean basket, tu as le look qui tue. Alors pour toi, les années 80 sont de retour. Voici donc Elton John. In a guitar musical, in your little corner of the world, you could roll around the globe and never find a warmer soul to know. Captive in the snow. Oh, that guitar you will never know.

I'm dying in your arms tonight.

exceptionnel offert à Radio Arc-en-Ciel. À tous, un grand merci. A todos, un muito obrigado e um beijo. On se donne rendez-vous prochainement, le 6 et 7 juillet, pour la grande fête des saints populaires, la Festa dos Santos Populares. Muito obrigado e até breve. Tchau. Nicolas sur Arc-en-Ciel. Ça me déplaît pas que tu m'embrasses, nanana, mais faut sortir ta chambre. T'attends qu'elle passe, nanana, si tu cherches un truc. Fais la glace, banana, banana, banana. Fais le dessert, je sers l'abominable en cannelle. Joie l'abominable enfant qui n'est qu'un amour de dessert. Fais le dessert. Et puis juste après, elle écoutera Jean-Luc Lahaye. Que du brouillard sur les chaînes de télé. Achille arrête. Écoute parler mon cœur. Si tu veux m'entendre dire ce que mes yeux veulent te dire, je t'en prie, n'attends pas la fin de la nuit. Dérange, dérange. Coupe la lumière, coupe le son.

Jean basket. Tu as le look qui tue. Alors pour toi, les années 80 sont de retour. Voici donc Mireille Mathieu, et puis juste après elle, on écoutera Céline Dion, et puis un petit coup, un verro, qu'elle aime bien, sous sa chanson. Tu me disais mon enfant, viens sur mes genoux. Yeah. C'est pas

envie de faire le plein de tubes, vous êtes sur la bonne radio. Tu es en jean basket, tu as le look qui tue, alors pour toi, les années 80 sont de retour. Son, tout simplement, je vous laisse avec Youkem, avec tout simplement des chanteuses qu'on a bien connues, tout simplement. Et juste après, Michel Feuillant. Voyons son.

je vois. Au ciel de fille dans la rue et se dire qu'elle est belle. Sans même aller plus loin, mais pour le plaisir. En passant, simplement. Voici donc Plaza. Chanson, hein, tout simplement, pour les deux émissions pour ce soir, à partir de 19h jusqu'à 21h, avec Christophe, avec Electric Choc. Et puis, juste après, un autre Christophe, entre 21h jusqu'à 23h, avec l'émission Electro Live. Voilà donc les deux émissions différentes. We'll be right back. Yeah. sur Arc-en-Ciel. Voici donc Régine et puis juste après le groupe Image.

Carmel à rpg.international@orange.fr. Par téléphone au 02 38 62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Com RPG Internacional pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. Une radio pour toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Génération en génération, des chansons souvenirs avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel. RDP Internacional, longe da vista, perto do coração. Muito boa tarde, são 4 horas no continente e na Madeira, 3 horas nos Açores. E João Vasco que nos conta as notícias a esta hora. Rude, sobranceira e caluniosa. É assim que até aqui provedora da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Ana Jorge, se refere à justificação apresentada pelo Governo para exonerar a equipa diretiva da instituição. O Governo promete apresentar um plano de ação para as migrações em Portugal que assegure um controle efetivo das entradas no país com uma integração digna e humanista. Já foram sorteados os boletins de voto para as eleições europeias. O primeiro partido desses boletins, nas eleições de 9 de junho, vai ser o LIVRE. Temas em destaque na edição das 4 com João Vasco. Ana Jorge admite que ficou surpreendida com a exoneração anunciada ontem pelo Governo de toda a mesa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Numa nota enviada aos trabalhadores da instituição, a responsável assume que foi com surpresa que recebeu a exoneração do cargo. Ana Jorge remete mais esclarecimentos para tempo oportuno e para sede própria. Isabel Cunha. Rude, sobranceira e caluniosa. É assim que Ana Jorge classifica a forma como foi exonerada através do comunicado do Governo. Escreve que em política não vale tudo e que a seu tempo e em sede própria vai contar a verdade. A verdade, escreve, que é a de quem serviu a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa com o espírito de missão. Refere que foram duros os 11 meses em que liderou a instituição e sublinha que avançou muito em direção à sustentabilidade financeira e que não sai triste, porque tinha um plano sólido de reestruturação que pretendia implementar. A última palavra é para os colaboradores da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, um apelo para que não desistam de ajudar os mais vulneráveis. O Primeiro-Ministro garante que não há qualquer tipo de saneamento político na decisão de exonerar a administração da Santa Casa. Luís Montenegro assegura que as acusações de que o Executivo quer na Santa Casa pessoas alinhadas com o PSD não têm qualquer fundamento. Não há saneamento político nenhum. Aliás, eu creio que quem fala em saneamento político, porventura, queria garantir a manutenção, enfim, de alguma afinidade partidária das pessoas que vão cessar funções na Santa Casa da Misericórdia. Estão, se calhar, preocupados com isso. Nós não estamos preocupados com isso. Nem é por essa razão que as pessoas vão ser exoneradas. O que é preciso garantir é o seguinte. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa está numa situação dificílima do ponto de vista financeiro e do ponto de vista da garantia, da salvaguarda das suas funções sociais. É preciso que haja, por parte da tutela, total sintonia com a respectiva administração para se cumprirem as orientações de política que dimanam do novo governo. O Primeiro-Ministro sublinha que a exoneração da equipa liderada por Ana Jorge apenas tem a ver com a necessidade de reestruturar a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Questionado duas vezes pelos jornalistas se o antigo Ministro do Trabalho, Pedro Mota Soares, pode ser o escolhido para o lugar de Ana Jorge, Luís Montenegro não respondeu. O PS...